Les hôtes étrangers et les compatriotes coréens d'outre-mer qui ont assisté aux parades militaires et aux défilés civils de la ville de Pyongyang, consacrés au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, ont admiré la puissance nationale de la République populaire démocratique de Corée. Le chef de la délégation de l'Association d'études des études du Jutsu de Russie a estimé la Corée comme une puissance militaire d'ordre mondial, et le chef de la délégation du Comité national finlandais pour l'étude des études du Jutsu a dit que les ronds des blindés et les tubes de canon témoignent de la volonté de montrer clairement qu'elle est une vraie guerre. Le président du comité d'études de la philosophie du Jutsu de l'Inde a affirmé qu'il a compris une nouvelle fois de plus qu'il n'y a personne dans le monde qui puisse résister à l'unité monolithique et à la force majeure de la Corée du Jutsu, déterminée à se renforcer par soi-même. Et l'administrateur général de l'Institut international des études du Jutsu a souligné que l'unité monolithique de la Corée est forte parce qu'elle est garantie par les idées du Jutsu et du Sungun. Le chef de la délégation d'études des idées du Jutsu du Pakistan a qualifié son excellence M. Kim Jong-un de symbole de la victoire pour l'humanité progressiste qui aspire à la souveraineté et à la justice, et le chef de la délégation des adeptes des idées du Jutsu de l'Europe occidentale a déclaré que l'avenir de la Corée est radieux grâce à son éminent chef d'État, jeune dirigeant reconnu par le monde entier. Les membres du groupe de félicitations des Coréens au Japon pour la célébration de la Journée du Soleil et un compatriote coréen en Chine ont dit que les vivas des ronds de la parade de l'héroïque armée révolutionnaire Baek-Tsan inspirent la confiance en la victoire finale et infligeront un coup impitoyable aux ennemis.